Le restaurant Midas de Saint-Félicien fête son 50e anniversaire et pour le mois de mai, on vous offre 3 morceaux de poulet frit avec sauce, frites, salade de choux, pain et Coca-Cola pour seulement $7.50 plus taxes. Du poulet frit à ce prix-là, on serait fou de s'en passer. Livraison 418-679-0900. Le restaurant Midas fête ses 50 ans au 1084 route 169 Saint-Félicien. Venez fêter avec nous en profitant de ce rabais du mois de mai sur le poulet frit. 3 morceaux, 7,50 plus taxes. On va parler avec notre ami Claude Roy de Pêche. Salut Claude. Hey, bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Claude, évidemment, on est en début de saison. Il pleut à Boisdebout actuellement. Je ne sais pas ce qu'il fait à Québec, mais à Dolbeau-Missisney, il pleut. On va parler de qu'est-ce qu'il faut apporter en début de la saison à pêche. Oui, parce que, écoute, je le sais qu'aujourd'hui, on est au mois de mai, les gens veulent aller à la pêche, j'en ai qui y vont en fin de semaine. Mais il y a des choses qu'il va falloir qu'on prévoie quand on veut partir pour la pêche, surtout à des périodes, comme cette période-ci de l'année. Premièrement, l'eau de surface est excessivement froide. Donc, si jamais on arrive avec une bad luck, avec un canot, un kayak ou une embarcation qui est pas stable et qu'on a le malheur de tomber à l'eau, puis qu'on est loin, ben il va falloir qu'on prévoie certaines affaires. Moi, je dis toujours, si vous êtes capable d'aller dans un magasin de chasse et pêche ou peu importe, un magasin de sport, et vous apportez toujours un sac qu'on appelle des dry bags, des sacs étanches. Un sac qui est fait pour les canotiers pour être capable de garder tout notre matériel au sec à l'intérieur de ce sac-là. Donc, dans lequel on doit mettre obligatoirement une lampe de poche avec des piles neuves. Ouais. Et si jamais ça fait longtemps qu'on n'a pas changé les piles, ben on s'apporte un set de piles neuves. Donc, on a toujours besoin et on va toujours avoir besoin d'une lampe de poche. Si c'est pas pour faire des signaux, c'est au moins pour être capable de voir qu'est-ce qu'on va faire en forêt. Si on tombe à l'eau, bien sûr, on va avoir tous nos vêtements qui vont être mouillés. Et si on veut pas souffrir d'hypothermie, parce que là, vraiment, c'est ce qui va arriver. Si on est tombé en plein milieu du lac, il faut se rendre au bord. On a une ceinture sur le dos, c'est bien évident. On s'assoit pas dessus, on la porte. À ce temps-ci de l'année, moi, je dis toujours aux gens, portez-la donc. De un, ça coupe le vent. Et de deux, c'est plus sécuritaire si jamais vous tombez à l'eau. Parce que si vous tombez à l'eau, puis vous vous accrochez après votre ceinture, le froid va vous paralyser, vous allez lâcher, puis ça va être fini. Alors que c'est ainsi de l'année, même si je la porte pas pendant la saison, je l'ai tout le temps dans le bateau, mais je la porte pas, malheureusement, là, je suis fautif, moi aussi. À c'est ainsi de l'année, par contre, je la porte toujours. Parce que je me dis, si jamais je tombe à l'eau, je vais flotter avec ça. Donc, on veut se rendre au bord. On a notre fameux sac qui est au sec, dans lequel on va avoir au moins une paire de bas. Si on n'a pas de sous-vêtements, au moins une paire de bas. Un nouveau T-shirt, simplement pour qu'on puisse se réchauffer un peu. Puis, un genre de poncho. À la limite, si on veut pas traîner des ponchos, on traîne des grands sacs poubelles à feuilles d'automne, des grands sacs poubelles dans lesquels on va faire un trou. Il faut qu'on coupe l'air. Et bien sûr, des allumettes de bois. Et il y a des allumettes qui sont faites spécialement pour allumer en temps de pluie. Donc, les allumettes sont un peu plus performantes qu'une simple allumette de bois pour être capable de se faire un feu. Donc, pour être capable de sauver la vie, il faut absolument qu'on coupe notre corps du froid. Le vent est froid, donc on essaie de se faire un abri en bordure du lac. Ça a l'air dramatique, ce que je dis là, mais tu vas voir, on est en début de saison. Ouais. Et on va commencer à nous annoncer des noyades parce que les gens étaient assis sur leur ceinture, ils ont tombé à l'eau et le froid les a paralysés littéralement. Si jamais on est loin, puis il faut absolument qu'on appelle à l'aide, bon, on est mieux d'avoir être capable de se faire un petit feu puis d'avoir quelque chose pour se changer. Et tout ça, on met ça dans un sac, dans le devant du bateau, et lui, il va flotter, puis ça va être facilement récupérable, puis comme ça, on va être capable de sauver la vie. Ouais. Ça, c'était les éléments de sécurité, mais comme je vous dis, oubliez pas, flashlight, batterie, lampe, allumette étanche, et quelque chose pour se changer, et des bartendes, si on veut être capable de s'alimenter, si on veut aller chercher un peu de calories, ça nous prend quelque chose à manger, donc pas nécessairement traîner n'importe quoi, mais juste des barres tendres, barres granola avec des bonnes céréales dedans. C'est toujours un bon dépanneur si jamais il fallait qu'on passe la nuit dans le bois. Okay, okay. Maintenant, pour la pêche, on a parlé la semaine passée, là, on va être dans le temps de la grise et de la truite mouchetée. Dans la grise, c'est moins problématique parce qu'elle vient à la surface pour chercher l'eau un peu plus chaude, donc elle va être capable de courir après les menées. Mais la truite mouchetée, elle, définitivement, n'est pas là. Je vous l'ai dit, je vous le répète, allez-vous-en près des bordures où il va y avoir de l'eau qui va être plus chaude, où le soleil va plomber, où ça va être, où le vent va avoir apporté la nourriture. C'est là que vous allez prendre votre poisson. Et mettez l'onde ligne derrière. On n'a pas besoin d'avoir un gros, gros ver de terre. J'en ai mis sur ma page Facebook, là. Ouais. Des vers énormes, monstrueux. Vous n'avez pas besoin d'avoir de gros vers de terre, de simples petits morceaux de vers de terre, petit hameçon, mais très, très loin de votre leurre principale si vous faites de la pêche à la traîne. Si on fait de la pêche au lancer, les petites cuillères, il y a des très, très petites cuillères qu'on appelle des doubles zéros, des microns qui vont faire la job, qui ressemblent à un petit menet, et la truite va ramasser ça, même sans verre après. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je fais de la pêche au lancer, dans le fond, des petites baies, ouais. Ben, ces petites leurres-là, qui sont des microns, et qui tournent sur eux autres mêmes, ça va être des bons petits leurres à lancer pour être capable d'utiliser ça pour la truite mouchetée. Pour la grise, bien sûr, on peut la pêcher avec des streamers, une grosse cuillère, derrière l'embarcation, moyennement vers la surface, tôt le matin, si c'est possible. Quand je dis tôt le matin, c'est la bordure du jour à aller jusqu'à 10 heures. Après ça, elle va redescendre un peu plus dans ses profondeurs pour remonter vers la fin de la journée pour venir s'alimenter à nouveau et s'approcher des bordures pour aller chercher sa nourriture. Donc, il n'y aura pas d'autre chose parce que là, le doré ne sera pas ouvert. Sera pas ouvert avec un bon bout. Donc là, on va être confiné avec la truite mouchetée puis la truite grise un peu partout. La Wananish au lac, il faut vérifier au niveau des ouvertures du temps de la pêche pour savoir, pour vraiment être légal. Donc, allez pas pêcher n'importe où sans connaître le livre des règlements pour être sûr de ne pas vous faire prendre par les agents de la faune. Puis rappelez-vous aussi que c'est défendu de pêcher à deux lignes. On en a parlé ce matin avec quelqu'un dans un article là, où on pêchait avec quelqu'un dit il s'est fait prendre avec deux lignes à pêche. Effectivement, vous n'avez pas besoin de deux lignes à pêche. Et quelqu'un qui fait ça, c'est carrément du braconnage. Puis je vais inviter les gens, les agents de la faune à surveiller ça comme il faut parce qu'il y en a beaucoup pour être capable de capturer plus de poissons. Ils vont se servir de deux cannes à pêche. OK, OK. Ben, ça fait le tour pas mal pour cette semaine. Oui, absolument. Puis écoute, on va se garder pour une prochaine chronique pour la semaine prochaine, si possible. Oui. Puis on va trouver un autre sujet intéressant pour les gens. Ben, on s'en reparle la semaine prochaine. Donc, notre ami Claude Roy qui nous parlait de pêche.